Yoğurt. It's Pimp Music Baby. Toc toc, one you back shot. J'appelle l'équipe en 4-4. Position tu, ça fait clac clac. Clac clac. Toc toc, one you back shot. J'appelle l'équipe en 4-4. Position tu, ça fait clac clac. Clac clac. Why not the place, fuck your sister. Money brother and I sing now. S'il man peut pas, je le finger eh. Turn up the life, fuck j'attrape ça. Yeah, click click vers le boss. J'attends dans le bail en mode. Yeah, why no back it up. Je souffre ta maman jusqu'à la banque. Yeah. Toc toc, one you back shot. J'appelle l'équipe en 4-4. Position 2, ça fait clac clac. Clac clac. Level up, level up, level up, level up. Baby, la masse est bouillard par les kilos. Level up, level up, level up, level up. Appelez les pompiers, on le fait dans sa culotte. Ça sent le ça sent le coco, ça sent le ça sent la pépette, ça sent le ça sent le coco, ça sent le Toc toc, one you back shot. J'appelle l'équipe en 4-4. Position 2, ça fait clac clac. Clac clac. Toc toc. J'appelle l'équipe en 4-4. Position 10 avec la clac. Clac clac. Ice contact, j'suis ni hôtel. Curly air, c'est mon piment. Si j'accélère le beat, c'est que je démarre. Fais jouer les bas, je craque son collant. Yeah. Ça sent la pépette, ça sent le ça sent le coco, ça sent le ça sent la pépette, ça sent le Toc toc, one you.